Allô? Madame Koulibaly? Oui? Bonsoir, madame. Catherine Forger de la société Ligne et Style. Je vous appelle parce que vous avez gagné un très beau cadeau, madame Koulibaly. Un cadeau? Oui, Ligne et Style vous offre un très bel ensemble d'ustensiles de cuisine que nous avons. Mais pourquoi je ne vous connais pas? Oui, madame. C'est pourquoi je vous propose de venir à notre magasin pour retirer votre cadeau samedi prochain. Est-ce que vous pouvez venir samedi? Samedi, mais... C'est que, vous savez, madame, samedi... Vous pouvez venir quand vous voulez samedi. Nous sommes ouverts de 8h à 20h. Non, je suis désolée, je n'ai pas envie d'aller à votre magasin. Votre cadeau, ça ne me dit rien, ça ne m'intéresse pas. Oui, madame, mais vous savez, nous avons... Non, merci, au revoir, madame.